soir, je vais vous parler d'une fille géniale. Elle est magicienne et son nom c'est Lina. Tu lui dis qu'elle est ch'tite comme Buzz. Elle vient d'une série animée qui s'appelle Slayers. Lina, il veut, elle est pas grande. Elle sait, Lina, il veut, c'est une gagnante. Elle vit dans un monde héroïque fantasy. C'est limite RPG, c'est tout ce que je peux vous dire. Et quand Lina voit arriver des méchants, je peux vous dire ça va être l'effusion de sang. Lina, Inverse, une petite curieuse. Elle sait, Lina, Inverse, c'est une vraie tueuse. Wouhou! Plate comme une limande, plate comme une limande, plate comme une limande, plate. Aïe! Y'a son petit ami blond qui s'appelle Goury. Son pire ennemi est bleu et c'est Zelgadis. Le Hellmaster ressemble à un nain de jardin. Dans les OAV, Naga est roulé comme un joint. Lina, Inverse, les infernales. Elle sait, Lina, Inverse, mais elle est géniale. Wouhou! Amelia a plus de poitrine, je crois. Et Goury a un sabre laser, je crois. Yeah! Wouhou! C'est Lina qui a les pouvoirs de Gargamel. Et c'est tout ce que je peux raconter sur elle.